sourire, soupir, au plus près de nous, tu vois, c'est pour toi. Tu t'endormiras. Regarde d'amour, au plus près de nous, tu vois, c'est pour toi. Tu vois déjà, tu veux rester avant déjà nous étions liés. Dors, nous sommes là. Dors dans mes bras. Baiser. C'est pour toi, tu l'emmèneras. Murmure, chanson, au plus près de nous, tu vois, c'est pour toi. Tu t'endormiras. Do do do.